moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Parce que les témoins et les mémoires s'estompent, parce que l'histoire a aussi besoin de matérialité, de traces confirmant des faits, le magazine de l'archéologie de France Culture ouvre ce soir un des dossiers les plus sombres de l'histoire de la France contemporaine, celui du Struthof, unique camp de concentration nazi sur l'actuel territoire national, tout premier camp découvert par les forces alliées. Longtemps dédaigné par la recherche et ses problématiques, les espaces concentrationnaires sont depuis peu largement investis par l'archéologie européenne, comme à travers le monde. Ainsi, on se souvient de la fouille du Club Atlantico, centre de torture au cœur de Buenos Aires, lié à partir de 1976 au coup d'État militaire argentin et témoignant d'une histoire toute différente de la propagande officielle véhiculée par cette tyrannie. Tout occupé à savoir si cela était bien de l'archéologie, la France s'avérait totalement à la traîne. Par chance, et sous l'impulsion de quelques chercheurs, elle rattrape aujourd'hui son retard. Une fois n'est pas coutume, notre invitée sera une très jeune chercheuse, puisqu'elle a soutenu son master d'archéologie en 2021 à l'université de Strasbourg. Juliette Branger, bonsoir. Bonsoir. Juliette Branger, votre master est une somme, trois épais volumes, croisant tout à la fois les données archivistiques et archéologiques de ce camp implanté en Alsace. Il se base aussi sur de nouvelles recherches, des prospections, des relevés et désormais des fouilles, votre dernière campagne venant de s'achever voici quelques jours. Juliette Branger, avant d'évoquer ce camp du Struthof, rappelons en prolégomène de cette émission que le passé, avec toutes ses oppressions, ses injustices, est physiquement et socialement matérialisé dans le présent. Oui, les vestiges des camps de concentration, ils sont encore matérialisés dans le paysage actuel. Alors ça peut être de deux manières, soit ce sont des espaces qui sont devenus des espaces mémoriels, donc on a des nouvelles constructions, des musées qui sont implantés et du public qui vient régulièrement pour voir ces espaces. Soit ils sont tombés dans l'oubli, donc la végétation, elle a prospéré au-dessus de ces bâtiments. Ils ont soit été détruits, soit ils restent encore en place avec la végétation et donc ils vont encore avoir un impact dans le paysage, avec parfois même des espaces techniques comme des installations électriques ou des installations hydrauliques qui sont encore utilisées par des villages alentours. C'est le cas pour le camp du Struthof où les aménagements hydrauliques sont encore utilisés par la commune. Alors certains ont été cachés, je pense, à celui de Sobibor, détruits par les nazis. Oui, on en parlera à la fin, mais oui. C'est important, je pense. Oui, c'est le cas de certains camps qui ont été complètement détruits pour cacher leurs traces, mais ça va être surtout le cas pour des espaces d'extermination, pas trop pour les camps de concentration. Donc le camp du Struthof, lui, il est à la fin de la guerre encore complètement en état d'usage. Je le disais, le Struthof a été le premier camp découvert dans l'ouest de l'Europe. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas frappé les esprits ? Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Déjà, les FFI et la 103e division de l'armée américaine, ils vont arriver le 25 novembre 1944 dans le camp. Et il faut s'imaginer donc un camp qui est encore complètement en état de marche, les baraquements, il y a encore l'électricité, tout fonctionne et le camp est complètement vide. Donc toutes les installations sont là, mais il n'y a pas ni de gardiens, ni de déportés, et il n'y a pas de corps. Donc il ne faut pas s'imaginer les autres photos de la libération qu'on peut avoir de camps qui sont plus à l'est, où on a donc des tas de cadavres, des déportés qui sont squelettiques, qui sont affamés et qui sont malades. Là, on va juste avoir un camp complètement vide, et donc ça va peut-être déjà moins marquer les esprits que les camps qui sont situés plus à l'est. Après, il y a un deuxième problème qui est plutôt historiographique. Le camp du Struthof, en fait, il a été très très peu étudié. Dans les années 1990, Robert Stegmann, qui est l'historien le plus connu du Struthof, il fait déjà ce constat. Il dit que quand il a commencé sa thèse, en fait, le camp du Struthof, il n'a pas encore été étudié. On a beaucoup de synthèses qui ont été faites sur les camps en général, ou des monographies, par exemple, sur Auschwitz, sur Buchenwald. Mais le camp du Struthof, il a été un peu laissé de côté d'un point de vue historiographique. Et ça peut aussi expliquer pourquoi il est moins connu. Et la dernière raison, on pourrait se dire, est-ce que c'est pas une volonté d'oubli sur le territoire alsacien, d'oublier ce camp qui est un des seuls sur le territoire français? Pourtant, il a été très très tôt un espace mémoriel. Dès l'après-guerre, on construit en 1958 la grande flamme mémoriale qui est encore le mémorial actuel. Donc il y a quand même une volonté de conserver cet espace et d'en faire un espace de recueillement, un espace d'histoire et de mémoire. Charles de Gaulle s'y rend. Oui, pour l'inauguration, on a des célèbres photos de Charles de Gaulle avec toute la population de la vallée, les officiels qui viennent inaugurer ce mémorial. Est-ce que les Alliés, en découvrant donc en 45 ce camp, se rendent compte de quoi il s'agit? Oui, s'en rendent compte, ils font même un film, donc ils préparent déjà des preuves, en fait, en quelque sorte, déjà pour l'après-guerre, ils font des archives, ils vont faire un film de leur arrivée dans le camp, et on a des photos des soldats américains et des FFI qui sont dans le camp et qui prennent des photos du crématoire, qui prennent des photos de tas de vêtements, donc ils se rendent compte quand même dans quoi ils sont arrivés. Remontons à 1941. La création du camp du Struthof sur la commune de Natzwiller aurait été ordonnée par Himmler lui-même? Oui, donc la création du camp, elle est ordonnée à la fin de l'année, en mars 1941. Et l'ouverture officielle, c'est au tout début, le 1er mai 1941. Après, les déportés, ils vont pas arriver tout de suite, parce qu'il faut s'imaginer que le camp du Struthof, on est au milieu des Vosges, à plus de 700 mètres d'altitude, donc on est en pleine montagne, dans une pente, et les seuls aménagements qu'il y a quand ils vont arriver, c'est une ferme auberge, avec sa salle des fêtes, et une villa qui est installée là par des Strasbourgeois qui viennent ici en vacances. Donc on est au niveau d'un espace qui est touristique et agricole, où il y a très peu d'accès, et où il y a très peu de bâtiments. Donc les premiers déportés qui vont arriver avec un convoi de 300 déportés vers le 21 et 23 mai 1941 depuis Sachsenhausen, ils vont avoir pour tâche de tout construire. On va les loger dans un bâtiment qui est en fait une salle des fêtes pour l'auberge. Donc on va les loger dans ce premier bâtiment qui est déjà tout prêt et ils vont commencer à tout construire, à la fois les accès pour faire circuler les camions, faire arriver les marchandises pour construire le camp, puis au fur et à mesure les premiers baraquements autour de cet espace d'auberge qui n'avait pas du tout une vocation d'enfermer des personnes. Qui sont ces premiers prisonniers, 300 prisonniers? Alors, ils viennent du camp Sachsenhausen et ça va être surtout des déportés politiques et des droits communs. Donc ce qu'on appelle droits communs, ce sont des personnes qui sont de nationalité allemande et qui étaient déjà enfermées dans des prisons pour des délits qui peuvent être très différents. Mais donc c'est des personnes qui viennent déjà de prison. Ce que je ne savais pas, c'est que ce camp de concentration comportait quantité de camps annexes répartis tout autour donc de ce camp primaire. Oui, en fait, ça fonctionne un peu comme une nébuleuse. On a le camp principal du Struthof qui gère toute l'administration. Et après, on va avoir toute une série de camps qu'on appelle des camps annexes ou des commandos qui vont être répartis à la fois sur le territoire allemand et sur le territoire français actuel. Bon, majoritairement plutôt actuellement sur le territoire allemand. Sur le territoire français, par exemple, on en a un en Meurthe-et-Moselle, on en a un petit peu en Alsace aussi et deux en Moselle. Ces camps ont été étudiés, puisque 70 camps, c'est gigantesque. Oui, alors il y a un programme de recherche qui a été mené par des archéologues allemands, donc sur les camps sur le territoire allemand. Ils ont fait surtout un travail d'inventaire pour savoir quels étaient les vestiges qui restaient et avoir une base de données sur ces camps. Mais on a encore très peu de travaux archéologiques sur ces camps annexes et ça reste des choses qu'il faut qu'on développe encore. Alors en vous lisant, Juliette Branget, je me suis aperçu que vous utilisiez le mot de camp de concentration, mais pas camp d'extermination. Il y a une vraie différence pour vous? Oui, c'est vraiment un espace de travail. En fait, les déportés, ils vont mourir parce qu'en fait, c'est les conditions de vie dans le camp qui vont les faire mourir. C'est pas du tout des exécutions. Il va y avoir les conditions comme les maladies, la faim et aussi les conditions de travail. Le but, c'est de les utiliser pour faire soit de la production économique, dans le cadre au départ potentiellement de production de matériaux, de pierres, de briques, pour faire des bâtiments au sein du Troisième Reich. Après, plus tard, à partir de 43, ça va plutôt être contribuer à l'effort de guerre, produire des bombes, des V1, produire des moteurs d'avion. Donc il y a une véritable volonté de les utiliser comme main d'œuvre, de les faire travailler. Et donc il faut quand même qu'ils soient dans un état physique acceptable pour pouvoir travailler. C'est pour ça que ça en fait un camp de concentration, un camp de travail et pas un camp d'extermination. Ils meurent dans le camp par le travail. Gilles Branget, quelles sont les raisons de l'implantation de ce camp en 1941? Ça date déjà de la fin de l'année 1940. En septembre 1940, Karl Blomberg, qui est un géologue pour la SS, il va monter une sorte d'expédition dans les Vosges et il va venir au niveau de la commune de Natzwiller, donc là où il y a le lieu-dit du Struthof. Et il va faire toute une série de sondages géologiques, comme ce qu'on pourrait faire actuellement avant de faire une carrière, pour vérifier la présence de granit rose et voir si celui-ci est exploitable. Il va se rendre compte que c'est potentiellement exploitable, il va réquisitionner des civils dans la vallée de la Bruche, juste en contrebas, pour leur faire découvrir la roche, donc enlever la terre pour découvrir la roche, la mettre à nu. Et c'est la présence de ce granit qui est exploitable, qui va conduire ensuite à la demande de création du camp, parce que justement, on a cette matière première qui est là, qui peut être exploitée, et donc on va ramener la main d'œuvre, les déporter, pour leur faire exploiter ce granit. Et là, on va avoir une gestion qui va s'installer avec une administration qui va gérer les déportés et une administration qu'on appelle la DEST, Deutsches Erd- und Steinwerke, qui est une entreprise de la SS qui va venir créer une carrière et qui est spécialisée dans la production de matériaux pour le Troisième Reich. On la retrouve aussi à Mauthausen ou à Flossenbürg aussi pour de l'exploitation dans des carrières. Juliette Branger, 31 nationalités sont représentées, à en croire les archives? Oui, il y a de très nombreuses nationalités dans le camp. Bon, les plus importantes, ça va surtout être les Polonais, qui sont les plus représentés avec presque 30%. Après, on va avoir des Soviétiques avec une 20%. Et ensuite, les Français, qui représentent 15% à peu près la population des déportés du camp. Ça s'explique surtout parce que c'est un camp qui est destiné surtout pour les déportés qui sont des déportés politiques. Donc, au début du camp, de 1941-1942, on va surtout avoir des Soviétiques et des Polonais dans le camp. Et à partir de 1943, c'est les Français qu'on appelle Nartunnebel, donc les Français qui sont souvent des résistants et qui sont considérés comme très dangereux et qu'on appelle Nartunnebel en lien avec le décret, Nartunnebel, qui vont être enfermés dans ce camp. Donc c'est ce qui explique ces trois populations très importantes. Après, en marge, on va aussi avoir des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, plein de catégories différentes, plein de nationalités différentes, avec des Luxembourgeois, des Norvégiens, des Belges aussi. Et des témoins de Jéhovah. Oui, témoins de Jéhovah également. Vous avez étudié et prospecté ces carrières qui possèdent une série de galeries creusées de main d'homme. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes-vous centré d'abord sur ces carrières et non pas sur les bâtiments ? C'est la raison de la création du camp, c'est la carrière. Donc ça nous paraissait logique de commencer par l'endroit qui a fait que le camp a été construit. Donc on voulait comprendre cet espace de travail qui a été très très peu étudié. Ce qu'il faut savoir au niveau chronologie de la carrière, c'est qu'elle a été exploitée donc de 1941 à 1942. On y fait travailler à la fois des déportés, mais aussi la population civile, qui va devenir en fait de la main-d'œuvre spécialisée et qui va contribuer à l'exploitation de la carrière de granit. À partir de 1943, avec l'avancée du conflit, on va transformer complètement la carrière, construire toute une série de bâtiments, bloquer l'accès aux fronts de taille et transformer la carrière en un espace industriel où on va démonter des moteurs d'avions. Ces moteurs d'avion, ils viennent de l'usine Junkers qui est à Strasbourg, qui est implantée dans le quartier de la Méno à Strasbourg. Ils ont été testés et ils fonctionnent plus. Donc on les emmène au Struthof, par train puis par camion. Là, les déportés vont devoir les démonter et tester les pièces, voir si elles sont encore fonctionnelles, si on peut refaire des moteurs d'avion ou pas. Ils vont les trier entre pièces qu'on doit acheter et dont on ne peut plus rien faire, et les pièces qu'on peut réutiliser. Et donc ils vont faire ça dans cet espace de carrière où finalement, à ce moment-là, on n'exploite plus. Est-ce que l'on pourrait faire une géographie du camp ? D'abord, pour comprendre, il y a une sorte de camp du haut, camp du bas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, le camp bas, c'est le camp où les premiers 300 déportés sont arrivés en 1941. Donc c'est l'endroit en fait où il y a le plus de bâtiments quand ils vont arriver, donc une auberge, une ferme et la salle des fêtes. Dans ce premier espace, on va faire construire aux déportés une première série de bâtiments qui vont surtout devenir des espaces techniques, le garage pour les véhicules de la SS, des espaces de lingerie pour les vêtements de la SS, des locaux techniques, des bureaux, et aussi toute une clôture qui va donc enserrer ce petit espace qui est celui le moins haut de tout l'espace du camp de concentration. Au fur et à mesure que l'histoire du camp va avancer, on va leur faire construire des accès pour aller plus haut dans la montagne, donc là on va monter à presque 800 mètres d'altitude. Et arrivé là-haut, donc on est en pleine pente dans la montagne, on peut pas installer des baraques, donc on va leur faire construire toute une série de terrasses qui vont permettre d'installer les baraques dans lesquelles les déportés vont ensuite être logés. Cet espace qui est donc plus haut, qui est plutôt à 800 mètres, c'est ce que nous, archéologues, on appelle le camp haut. C'est pas une dénomination qui a été utilisée pendant la période concentrationnaire, c'est plutôt un terme technique d'archéologue. Et donc dans cet espace, on retrouve à la fois les baraques où les déportés étaient logés, où ils dormaient, où ils prenaient leur repas. Aussi le crématoire, là où on brûlait les corps des déportés décédés, un espace pour les expérimentations médicales, et toutes les baraques plutôt administratives pour les gardes de la SS. Donc ça, c'est tout l'ensemble du camp haut. Et le dernier espace, il faut continuer encore plus haut dans la montagne. On continue un tout petit peu la route que les déportés ont créée et on arrive dans la carrière qui va être l'espace de travail qui lui aussi clôturé et qui ne sert que la journée. Donc les déportés, ils vont le matin pour travailler et ils retournent le soir dans le camp haut pour la nuit. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Juliette Branger, que reste-t-il aujourd'hui de tous ces baraquements ? Alors il reste pas grand-chose finalement. Dans la partie camp bas, ce qui reste, c'est l'auberge qui était déjà là avant-guerre et qui a servi d'espace pour loger la SS pendant la guerre. Mais aussi la salle des fêtes, qui était à la fois logement des déportés au tout début en 1941, puis qui va devenir ensuite chambre à gaz pour les expérimentations médicales. Donc là, qui sont deux espaces qui sont encore des espaces mémoriels actuellement. Dans l'espace du camp haut, il reste que quatre baraques, dont une qui n'est plus une baraque authentique, qui a été incendiée dans les années 1970, et donc il y a une réplique de baraque du camp. Et après, donc dans cet espace, c'est surtout des ajouts mémoriels. On a la nécropole nationale, le mémorial qui a été construit en 1958. Donc finalement, très peu de bâtiments qui sont authentiques. Et dans l'espace de la carrière, c'est un peu comme une réserve pour les archéologues. C'est un espace qui a été délaissé, qui n'est pas devenu un espace mémoriel, qui est resté dans la forêt, enfui par la végétation. Et où ici, on retrouve encore une dizaine de bâtiments qui datent de la période du camp. Le camp est construit dans un seul but, celui de contrôler un groupe de personnes. Son architecture est donc entièrement conçue pour répondre à cet objectif. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Oui, donc le but c'est de construire vite pour pouvoir enfermer les déportés. Donc déjà ils vont faire venir des bâtiments, en fait c'est du préfabriqué, c'est un peu comme des Legos. Après c'est un camp, donc l'objectif c'est de pouvoir enfermer et surveiller les déportés. Donc il y a deux points, il y a surtout l'aspect clôture, où on a tout un système de double clôture qui permet d'enfermer les déportés, avec des miradors qui sont installés dans la pente à des hauteurs différentes et qui permettent de compenser ce problème de pente et de pouvoir voir les déportés un peu partout. En plus de ça, donc on les enferme, il faut des espaces de vie communes pour que les déportés soient installés. Donc on va installer toute une série de baraquements qui vont permettre d'enfermer les déportés la journée quand ils sont pas dans leur moment de travail. Donc dans ces baraques, on retrouve ce qui est essentiel juste pour le peu de vie quotidienne qu'ils vont avoir. Donc des espaces qu'on appelle stube, qui sont des espaces de dortoir en fait, où ils vont être réunis. En plus de ça, un espace d'eau pour pouvoir se laver et faire leurs besoins, et un dernier espace de cantine, de réfectoire, où ils vont pouvoir prendre les repas qu'on leur donne. Vous avez fouillé tout ça ? Alors, la plupart de ces baraques de déportés, elles ont été détruites dans les années 1950, donc on pourrait envisager de faire une campagne de fouilles pour voir s'il reste quelque chose de ces baraques, qui ont été certaines même incendiées, il y a eu un incendie mémoriel en 1954. On pourrait envisager une campagne, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Juliette Branger, vous avez trouvé dans un dépotoir ce que vous avez appelé des bouteillons. Leur étude permet de voir que ce type d'objet est présent dans nombre de camps de concentration ? Oui. Donc ces sept bouteillons, ils proviennent d'une fosse dépotoir qui vient juste à côté du camp. On l'a trouvé juste à côté de la clôture du camp. Donc il faut s'imaginer comme des grosses gamelles métalliques qui peuvent se fermer avec un système de couvercle. C'est comme des... Assez haut visiblement, hein, oui, et assez lourd. Oui, assez haut et assez lourd. Ça peut contenir 25 litres environ. C'est un peu comme une grande thermos pour mettre de la soupe à l'intérieur. En fait, elle servait à mettre la nourriture à l'intérieur pour les déportés. Donc la soupe, qu'il faut s'imaginer une soupe un peu maigre où il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur, plus une sorte de bouillon avec quelques légumes et quelques morceaux de viande qui flottaient à l'intérieur. C'était rempli dans la baraque cuisine en haut du camp. Puis ensuite, chaque bouteillon appartenait à une baraque. Et donc, des déportés devaient venir les chercher et les ramener jusqu'à leur baraque. Donc, on a des dessins. C'est là que cette découverte est assez impressionnante parce qu'on peut faire un lien entre nos données archéologiques et les données d'archives. Donc, on a nos 7 bouteillons qu'on a trouvés sur le terrain. Et on a 2 dessins qui ont été faits par le déporté Rudolf Ness, qui est norvégien, et d'autres aussi par Henri Gaillot, qui est un déporté français. On voit les déportés qui sont en train de porter à deux les bouteillons pour les transporter de la cuisine jusqu'aux baraques et nourrir donc les déportés. C'était visiblement une énorme corvée parce que ce camp est en pente, c'est bien ça ? Oui, donc c'est tout ce système de terrasses et ces volets d'escalier qu'il faut descendre avec une énorme marmite qui est pleine de soupe. Et d'ailleurs, un des dessins de Gaillot représente un de ces bouteillons qui a été renversé par terre, qui tombe. Et sur son dessin, il représente plein de déportés qui accourent autour pour essayer de récupérer la soupe qui est tombée au sol. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose d'important qui fait partie du quotidien du camp et qui est une corvée qui est compliquée. Le Struthof possède une assez longue histoire. Vous y voyez plusieurs phases. Quelles sont-elles exactement ? Alors c'est vrai que le Schtroumpf, par rapport à d'autres camps, il va avoir une histoire qui est assez longue, avant-guerre et puis ensuite après-guerre. Nous, on y voit déjà une première phase qu'on appelle la phase agricole et touristique, donc c'est l'occupation avant qu'il y ait le camp, donc ce que je parlais, cette histoire d'auberge, c'est ça, la fin du 19e et le début du 20e siècle, où le camp du, en fait, l'espace du Schtroumpf, c'est une piste de ski. En fait, c'est un espace où les Strasbourgeois vont venir l'hiver pour faire du ski, faire de la luge, faire de la randonnée, et où on a un espace agricole qui, pendant la période touristique, se transforme en une auberge pour accueillir les touristes strasbourgeois. Donc ça, c'est notre première phase, donc il y a une occupation qui est très légère sur le flanc de la montagne. Après, on va voir l'occupation concentrationnaire, donc de 1941 à l'évacuation en 1944, donc l'occupation du camp pendant cette période de 4 ans. Et à partir de la fin de l'année 1944, on voit une phrase qui est très très courte, c'est en même temps que l'évacuation du camp, en fait les miliciens de Darnan, donc des miliciens du régime de Vichy, ils vont essayer de fuir face à l'avancée des troupes alliées. Et pendant un court moment, certains de ces miliciens de Darnan vont être logés au sein du camp du Schtroumpf, alors qu'on a encore des déportés. On va enfermer les déportés qui restent dans le camp, dans les baraques de travail, dans la carrière. Et les miliciens de Darnan, ils vont être logés dans les baraques où étaient les déportés encore très peu de temps avant. Donc ça, c'est une phase qui est très très courte, mais qui se détache du reste de la période concentrationnaire du camp. Ensuite, donc, on arrive à la libération du camp qui est vide, ou donc l'arrivée des troupes américaines et des FFI. Et dès la fin de cette libération, on va avoir directement une réutilisation du camp. Ce qui est assez étonnant et qui peut surprendre, parce que c'est pas quelque chose qui est très connu pour le camp du Schtroumpf, mais qui est pourtant valable pas que pour ce camp et pour beaucoup d'autres camps. On a un espace qui est encore utilisable et qui sert d'espace d'enfermement, donc on va le réutiliser comme un espace d'enfermement, et ça va devenir d'abord un centre de rétention administrative pour des personnes qui sont accusées de collaboration, donc surtout des Alsaciens mosellans, mais aussi les civils allemands qui avaient été ramenés en Alsace et en Moselle pour servir de personnel administratif. On va les enfermer là jusqu'en 1945, donc ils vont s'y côtoyer à la fois des enfants, des personnes âgées, des femmes. Et à partir de 1945, ça va devenir une véritable prison française, centre pénitentiaire français, où on va enfermer uniquement des jeunes hommes qui, eux, pour le coup, sont accusés de collaboration, mais sont passés par un tribunal. C'est différent de la phase d'avant. Donc ils ont des peines qui sont très lourdes, et on va vouloir les enfermer seuls entre jeunes hommes pour essayer de les rééduquer et changer leurs idéaux. Donc ils vont être enfermés dans les mêmes baraques où étaient les déportés. Et ça, ça va durer jusqu'en 1949, où après on va commencer la période mémorielle avec la construction du mémorial et la période qu'on a encore actuellement. Donc, quand vous fouillez, quand vous prospectez, quand vous ramassez des objets, vous ne savez pas à quelle période ces objets appartiennent. Oui, mais c'est ça qui est très très compliqué sur le chantier qu'on mène à la carrière, c'est que par rapport à d'autres chantiers, on a des mètres de stratigraphie, on peut dire dans telle couche, c'est telle période. Nous, on a 5 à 10 cm d'humus où tout est mélangé à l'intérieur. Donc il y a des choses qu'on sait identifier, on peut dire ça c'est la période des déportés, ça c'est du mémorial, ça date des années 80, mais il y a des objets entre la période concentrationnaire et la période des prisonniers d'après-guerre où on sera toujours incapable de dire leur datation en fait. Alors là, par exemple, dans la carrière, vous avez trouvé un élément appartenant visiblement à des avions, c'est bien ça? Une sorte de petit personnage? Oui, c'est une petite plaque en fait qui se fixait sur les moteurs d'avion que les déportés démontaient. Et donc sur cette petite plaque, il y a un logo, il y a un petit personnage qui étend les bras. Et ce logo, c'est le logo de la firme Junkers, donc la marque qui ramenait les moteurs d'avion pour que les déportés les démontent. Juliette Branger, ce camp sert de lieu d'exécution de 107 résistants, mais aussi à d'atroces expériences. En avril 1943, les nazis utilisent à l'extérieur du site une chambre à gaz pour tester de nouvelles armes sur les déportés. Oui, en fait, le camp du Schtroumpf, il va servir aussi de lieu d'expérimentation médicale en lien avec la Reichsuniversität, la faculté de médecine de Strasbourg. Et donc, dans le cadre d'expérimentation, il y a un professeur qui s'appelle Otto Birkenbach, qui est spécialisé dans les effets des gaz de combat et qui essaye de trouver un moyen de contrer ces gaz de combat pour sur le terrain pendant la guerre. Si des soldats se retrouvent attaqués par des gaz comme le phosgène, il voudrait trouver un moyen d'empêcher les effets sur le corps. Et donc, il va faire une série d'expérimentations, surtout sur des tziganes et sur les déportés de droit commun. Il va leur injecter de l'urotropine. Il pense que ça va pouvoir peut-être contrer les effets du gaz. Donc il va faire ses expérimentations dans la chambre à gaz qui est installée dans l'ancienne salle des fêtes. Et certains des déportés sur lesquels il va faire ses tests vont décéder directement après et d'autres vont survivre au test. Pour mieux asseoir leur théorie, les médecins du camp pratiquent l'horreur. Parce que c'est vraiment l'horreur. Oui, mais c'est aussi le cas d'autres médecins comme Auguste Hirt qui va vouloir faire une collection anatomique. Donc lui, c'est une gueule cassée de la Grande Guerre. Il est fervent défenseur du parti nazi. Et sa volonté, c'est de faire une collection anatomique de l'espèce inférieure, entre guillemets, avant qu'il disparaisse. Comme le but, c'est de les exterminer, il veut garder une collection de squelettes. Donc il va demander à ce qu'on, dans d'autres camps, donc le camp d'Auschwitz, on sélectionne 86 juifs. ils vont être ramenés jusqu'au Struthof, juste dans le but d'être gazés dans la chambre à gaz et de pouvoir récupérer ensuite leur squelette. Donc les 86 déportés qui vont mourir dans la chambre à gaz en août 1943, c'est pas des déportés du Struthof, c'est des déportés qui ont été sélectionnés spécialement et ramenés d'Auschwitz juste pour l'expérimentation d'August Hirt. Et ces bâtiments existent, les bâtiments des médecins existent encore ? Oui, en fait, la partie expérimentation médicale, c'est la moitié du bâtiment crématoire. Dans la moitié du bâtiment, on a le crématoire et dans l'autre, les bureaux et les espaces d'expérimentation, notamment avec une table de dissection qui était celle des médecins. On rappellera que la faculté de médecine de Strasbourg possédait, semble-t-il, encore des vestiges de cette période. Au-dessus de la chambre à gaz est présent un four. Visiblement, les cendres ont diverses destinations. Non, en fait, le système du camp, c'est déjà que tous les déportés qui meurent dans le camp, ils vont être incinérés dans le four crématoire. Et ça va être aussi bien les déportés du camp principal que tous les déportés des camps annexes. Donc, aucune tombe. Aucune tombe. Même si quelqu'un décède dans un camp annexe en Allemagne à plusieurs kilomètres, on va ramener le corps jusqu'au Struthof pour le faire passer dans le four crématoire. Une fois que les cendres sont sorties du four, il va y avoir deux solutions. Si c'est un déporté allemand, les cendres vont souvent être conservées et peuvent être envoyées à la famille. Ça va passer par un service qui s'appelle la Politische Abteilung, qui va prévenir la famille du déporté et lui demander s'ils veulent récupérer les cendres. S'ils veulent les récupérer, ça pourra leur être envoyé et on va leur demander de leur payer une urne, en fait. Ils vont avoir un système avec différentes urnes de différentes qualités, en terre cuite, voire en tôle émaillée, et on va demander à la famille de payer pour récupérer cette urne. Et vous avez des photos de ces urnes qui sont différentes ? Oui, on a des photos de ces urnes, et il y a encore une pièce dans le bâtiment crématoire avec ces trois types d'urnes qui sont conservées encore actuellement. Mais ce système d'urne, ça va pas être valable pour l'ensemble des déportés. Ça, c'est valable surtout pour les déportés allemands. Et ceux qui sont pas nationalité allemande, on va les rejeter soit juste en contrebas du crématoire, dans la station d'épuration en fait du camp, qui récolte toutes les eaux usées du camp et qui va devenir ce qu'on appelle la fosse aux cendres actuellement. Donc ça, c'est un terme mémoriel. Normalement, c'est la station d'épuration en fait techniquement du camp. Et on va rejeter les cendres à l'intérieur. Et certaines vont également être rejetées, selon certains témoignages des déportés, dans les jardins du camp qui sont situés juste à côté de la clôture. En 2018, une plaque d'identité d'un soldat anglais est retrouvée dans la fosse aux cendres, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est une découverte fortuite. C'est pas une fouille archéologique, ça a été découvert lors de travaux de jardinage dans la fosse aux cendres. C'est une petite plaque qui n'est pas une plaque réglementaire, qui est une plaque qui a été achetée par le soldat Frédéric Apgood, qui est un soldat anglais qui était dans un Lancaster. Son Lancaster, il a été abattu en juillet 1944, et donc il a essayé de se cacher, mais il a été récupéré et envoyé au camp du Struthof. Et donc il n'a pas été déporté au camp du Struthof, il a été exécuté directement. Il était Deux jours après, c'est ça. Le 31 juillet 1944, il décède, il est pendu au camp du Struthof à l'âge de 21 ans. Et donc cette petite médaille, ça fait un lien directement avec l'identité de ce jeune soldat. Juliette Branger, le chercheur se doit d'avoir une forte distanciation face à son objet d'étude. Pour autant, un tel sujet sollicite en permanence empathie et émotion. Comment faites-vous ? Alors sur le terrain, quand on fait nos gestes techniques de chantier de fouille, c'est vrai qu'on a souvent peut-être tendance à oublier, surtout que pour l'instant on fouille dans la carrière, donc on est loin du mémorial et de la nécropole, donc au milieu de la forêt. Donc pendant la partie chantier, on arrive à avoir une distance et à juste faire nos relevés de chantier, faire nos photos. Après, plutôt pendant la partie post-fouille, c'est le moment où, surtout quand on est en lien avec les témoignages des déportés ou des objets qu'on peut directement leur attacher, qu'il y a forcément un lien qui se fait avec le parcours des déportés et qui peut être la phase la plus difficile du travail. Le croisement des données photographiques avec des plans, photographiques d'ailleurs de la RAF absolument extraordinaire, avec des plans, témoignages, archives, publications d'historiens et données bien sûr archéologiques, permet aujourd'hui une analyse inédite de l'architecture du Struthof. Ainsi, certaines structures utilisées actuellement comme de véritables symboles du camp n'appartiennent justement pas à cette période concentrationnaire de 41 à 45. Oui, le portail du camp haut, qui est le portail qu'on retrouve sur toutes les cartes postales, sur toutes les publications d'historiens, en fait, c'est pas du tout le portail que les déportés ont vu pendant leur détention. C'est un portail qui est construit à partir de 1946 au sein du camp, donc pour la période d'après-guerre de détention du centre pénitentiaire. C'est pas le portail des déportés, c'est le portail des prisonniers d'après-guerre. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces fouilles absolument capitales. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Philippe Mercher et avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.